On n'a pas eu le temps avec les enfants, maintenant c'est quand même assez tard. On n'a pas eu le temps avec les enfants de parcourir le chapitre 14. Mais qui est Jésus? Sans mettre la question qui revient encore ce dimanche dans le passage du chapitre 14. Et on verra que Jésus est arrêté et qu'on l'interroge. On lui demande, es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Et au chapitre 15, Pilate aussi lui demande, es-tu le roi des Juifs? Et le chapitre 14 est particulièrement dense. Alors j'espère que vous avez lu, parce que pour s'accrocher, ça va être chaud. On va essayer de faire simple et chercher des réponses à la question qui est Jésus. On verra avec le temps. J'en ai 6 de noter. On verra. Et puis on cherchera aussi des applications concrètes pour notre vie personnelle, pour l'Église de Phénix en 2009. Alors qu'est-ce que Jésus aurait à nous dire? Et ce passage est vital. Je ne peux pas, on ne peut pas imaginer l'Évangile de Marc sans le chapitre 14. Ça n'aurait aucun sens. On est vraiment à l'apogée, au grand moment fort de l'Évangile. On arrive à ce que Marc construisait depuis le tout début, la fin de sa vie, la dernière semaine de sa vie, la mort, son tribunal, son procès trompé, et son exécution. Alors, on y va. Je vais prier, et puis on va prendre les 6 aspects de la réponse. Merci Jésus pour ta parole, et aide-nous s'il te plaît ce matin à être attentif, donne-nous envie de te connaître mieux, de t'aimer de tout notre cœur, et remplis-nous de ton esprit pour qu'on puisse discerner ce qui est vrai, qui sort de ma bouche, et ce qui ne devrait pas être écouté. Seigneur, permets-nous de vraiment nous accrocher à toi encore cette semaine. Je te demande ça. Amen. Alors, premièrement, Jésus est là pour accomplir les Écritures. D'accord? Très vite, Marc 14, 49. Quelqu'un le lit? Marc 14, 49. Jésus fait le tour parmi vous, j'enseigne dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisi de moi. Mais c'est afin que l'Écriture soit accomplie. Ouais. Jésus vient d'être arrêté. Et il leur dit, vous n'avez pas fait ça à d'autres moments où j'étais juste là devant vous, vous avez attendu à ce moment. Et pourquoi il dit ça? C'est afin que les Écritures soient accomplies. Et on voit, Jésus cite abondamment la Bible, et met régulièrement à mal les pharisiens, sachant qu'il est l'accomplissement de toutes les Écritures jusqu'à ce jour. Deux, Jésus mérite notre adoration. Donc premièrement, il est là pour accomplir les Écritures. Deux, il mérite notre adoration. Je suppose qu'on a tous lu au moins une fois dans notre vie ce passage où cette femme verse du parfum sur la tête de Jésus. Alors on va lire ensemble. Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Voilà. Alors, le deuxième point, c'est Jésus mérite notre adoration. Alors peut-être on se demande, mais où ça de l'adoration? C'est vrai, le mot est nulle part dans le texte, mais on sait que tous les hommes adorent. Dieu nous a créés pour adorer, même le plus athée parmi nous adore quelque chose. Et comment savoir ce qu'on adore? Il suffit de regarder à quoi on passe le plus de temps, qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Par quelque chose on est vraiment attiré, où on passe le plus de pensées, le plus d'argent, le plus de dévouement. Et nous, on peut se poser aussi la question, en quoi mettons-nous notre gloire? Paul disait que les non-chrétiens, les païens, mettaient leur gloire dans leur ventre. Dieu, leur Dieu était leur ventre, leur égoïsme. Et qui est notre Dieu ce matin? Qu'adorons-nous? C'est ni. Est-ce l'intelligence, notre corps, notre femme, notre mari, notre famille ou nos enfants, notre sport, notre métier ou notre pays? Est-ce que c'est notre confort? Ici, si on prend le texte, La femme a dépensé un an de salaire pour acheter ce parfum. Le nard, on sait, était un parfum réservé, mais étant cher, c'était un parfum qu'on versait sur les têtes des rois pour les désigner par onction. Je ne sais pas comment elle a trouvé une telle somme, cette femme, mais elle vient vers Jésus, elle casse le vase et verse le nard sur sa tête, comme si elle désignait un roi. C'est un acte qui coûte à cette femme, mais je suis certain qu'elle l'a fait dans la joie, parce que les disciples s'indignent, ils disent « Mais pourquoi tu as fait ça? On aurait pu donner ça aux pauvres ?» Et Jésus leur dit « Mais pourquoi vous l'attristez ?» Évidemment, elle était là, elle était heureuse de faire ça, d'avoir dépensé un an de son salaire pour verser ce parfum sur la tête de Jésus. C'est un passage qui est surprenant. J'espère qu'on a tous été surpris par ça. Le prix ne lui posait pas de problème. Quand on adore, on ne compte pas, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, une remarque concernant cette scène, et ça je remercie un oncle pour m'avoir fait arrêter sur ce petit détail. Alors, cette femme semble être la seule à comprendre qui est Jésus. Vous avez remarqué ou pas? Verset 8. « Elle a fait ce qu'elle a pu, dit Jésus, d'avance, elle a parfumé mon corps pour l'enterrement ou pour la mise au sépulcre. » Elle a cru. Elle savait que ce qu'il avait dit était vrai. Elle avait compris quand il disait par 5 fois avant, je vais mourir, je vais souffrir, je vais être crucifié et je vais ressusciter. Elle l'a cru, apparemment. Et donc, elle se préparait. Et le détail que mon oncle Timothée m'a fait remarquer, elle parfume d'avance le corps de Jésus. Donc, on a embaumé les corps. Hein. Et vous avez remarqué, Marc 16, ce qui se passe. Les femmes arrivent, dimanche matin, pour embaumer le corps de Jésus, et Jésus est déjà ressuscité. C'était trop tard. La seule femme qui a embaumé Jésus, il fallait le faire avant sa mort, sinon il ressusciterait trop tard. Alors moi j'ai, ça m'a fait sourire, c'est super l'humour de Marc, de Jésus, de Dieu là-dedans. On avance. On peut aussi remarquer que les autres femmes n'ont pas compris. Parce que verset 8 de Marc 16, elles sortirent du tombeau, s'enfuirent, tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Encore, les disciples étaient lents à comprendre, les femmes étaient lentes à comprendre. Il semble seulement que cette femme-là qui a versé du parfum aurait compris à qui était Jésus. Alors, troisièmement, Jésus connaît l'avenir. Alors là, il y a plein de raisons pour ce point-là. On va voir qui sait d'avance qu'on va raconter l'histoire de cette femme, comme on vient le faire ce matin. Il sait d'avance, et verset 9, il dit, 14-9, « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Jésus le sait. Que Stéphane, ce matin, lirait avec l'église de Phénie ce passage. 2. Il sait exactement où manger la Pâque et à qui s'adresser. C'est super. Vous avez vu ou pas? Verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, donc comme on a vu avec les enfants, on est dans la semaine de la Pâque. Chaque année, on célèbre le fait que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Et ses disciples lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Il envoyait deux de ses disciples en leur disant, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Vous vous posez la question? Si les disciples avaient pris 5 minutes de plus en chemin pour rentrer dans la ville, est-ce qu'ils auraient croisé l'homme qui portait la cruche d'eau? S'ils avaient pris 5 minutes de moins, est-ce qu'ils auraient rencontré l'homme qui portait la cruche d'eau? On n'est pas sûr, on ne peut pas savoir. Mais évidemment, pour Jésus, c'était certain. Vous allez rentrer, peu importe l'allure que vous prenez, Quand vous rentrerez, vous verrez ce serviteur qui porte une cruche d'eau. Il savait. Alors moi, ben, je trouve ça excellent que Marc rajoute, les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. On peut se réjouir que Jésus est aussi notre maître. Il tient l'avenir dans ses mains et on trouvera tout comme il nous le dit. C'est un encouragement de lui faire confiance tous les jours pour qu'il nous guide, qu'il nous montre comment le glorifier. Alors, je ne sais pas si on a tous vu ça, hein, mais je pense que c'est important que Marc ait voulu rajouter cet aspect que Jésus savait tout d'avance comme ça. Jésus sait aussi qu'il sera trahi par Judas. Verset 18, vous avez vu ? Je vous le dis en vérité, dit Jésus, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Ensuite, il sait qu'il va souffrir, qu'il va tuer, qu'il va ressusciter. Alors ça, on l'a vu plein de fois déjà depuis qu'on a commencé notre série sur Marc. Marc 8, Jésus demande à ses disciples, « D'après vous, qui suis-je ? » Et Pierre répond, « Tu es le Messie. » Seul moment d'illumination apparemment dans la ville de Pierre. Marc dit ensuite que c'est à partir de ce moment qu'il commença à enseigner aux disciples qu'il allait mourir. Qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. De même dans Marc 9:9, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Et Marc 31, et il leur disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Et aussi dans Marc 10, Jésus prit de nouveau les 12 et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Ils étaient en train de rentrer à Jérusalem et il leur dit, nous monterons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir et 3 jours après, il ressuscitera. Et dans le chapitre de ce matin, verset 28, il dit, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Il sait aussi, on va regarder d'abord d'où vient cette connaissance, vous avez déjà posé cette question ? Comment est-ce que Jésus savait tout ça ? Oui, il était Dieu ? Réponse facile. Par les Écritures, ce serait moi ma première réponse. Il cite les Écritures, il connaît les Écritures et il sait tout ce qui est annoncé à son sujet. Et donc, il s'assure de tout accomplir. Il sait même le prix pour lequel il sera trahi par Judas. Ensuite, deuxièmement, il sait toutes ces choses parce qu'il a une intimité avec Dieu. Marc n'en fait pas un sujet important dans son évangile, mais Luc, l'évangile suivant, mentionne au moins 6 fois où Jésus va et dit, et Jésus alla pour prier. Il avait une intimité avec Dieu, rempli du Saint-Esprit, il savait ce qu'il devait faire, il connaissait la volonté de Dieu. Et ensuite, évidemment, troisièmement, sa divinité. C'est un gros sujet, combien il était toujours divin et combien il ne se servait pas de ses attributs d'être Dieu. C'est un gros sujet, on ne va pas en parler ce matin. Ensuite, toujours dans le même sujet, où on répond à la question « Jésus connaît l'avenir », on va voir aussi qu'il y a une ironie qui se passe à la fin de ce chapitre. Une ironie, c'est quand on dit quelque chose et nous, on pense peut-être que c'est pas vrai. Et en fait, c'est très vrai. Il y a des moments, c'est une tournure. Celui qui se moque est en fait celui qui est moqué. Et on peut le lire, Marc 14, 65. Vous y êtes ? C'est déjà Jésus arrêté. Et ils sont en train de le frapper. Et ils lui demandent. Il est frappé à coups de poing en lui cachant le visage, en lui disant « Devine !»« Devine !» lui demande-t-il. « S'il savait qu'il frappait l'homme qui connaît l'avenir, il pourrait tout leur dire sur leur famille, leur enfance, leur avenir. » Ils sont en train de frapper l'homme qui connaît tout d'eux. Et il lui demande de deviner qui l'a frappé. Alors voilà, très rapidement, pourquoi Jésus, une des réponses, Jésus est quelqu'un qui connaît l'avenir. pour ces points-là. Ensuite, on est au quatrième. On va jamais retenir tout ça, hein, mais c'est juste pour vous montrer qui est Jésus. Jésus est là pour accomplir la Pâque. On l'a vu là avec les enfants rapidement. Jésus change à tout jamais la Pâque. Si on regarde la première église, les juifs messianiques célébraient encore la Pâque. La Pâque, c'était de tuer un agneau au temple et de mettre du sang sur la porte. Ça paraît super gore comme procédé, mais c'était en souvenir du fait que Dieu avait sauvé son peuple d'Égypte. Et ils célèbrent la Pâque. Jésus meurt la semaine de Pâques, selon les Écritures. Évidemment, c'est dans le plan de Dieu de ramener Jésus et qu'il meure à ce jour-là, dans cette semaine-là. Et Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples, mais vous avez remarqué qu'il a tout changé. Et les premiers chrétiens juifs ont progressivement laissé tomber la célébration de la Pâque à l'ancienne pour passer, comme nous on la célèbre encore aujourd'hui, peu importe que ce soit des petits verres en plastique ou pas, mais on boit du jus, on boit du vin et on mange du pain ensemble en souvenir de sa mort et de son retour prochain. On ne va pas en dire beaucoup plus. Évidemment, on peut faire toute une étude sur l'agneau de Pâques. Jésus, l'agneau de Pâques, c'est partout dans le Nouveau Testament. Ils ont compris, les premiers chrétiens, que Jésus était l'accomplissement de la Pâque. Donc, il était l'agneau de Pâques, l'agneau parfait, comme il devait être. Et on voit, vous avez vu hein, dans Marc 14, Jésus, il est accusé de quoi? Il est condamné sur quel motif? Blasphème, ils n'ont rien pu trouver d'autre. Finalement, ils vont l'accuser, bon, de blasphème. Tu es Dieu, on va te tuer. Tu dis, être Dieu, on va te tuer. Alors, deux derniers points, c'est les plus grands, et c'est le plus évident. Jésus est un homme, et c'est super, super clair ici. Marc 14 décrit une scène émouvante. C'est laquelle? Vous l'avez remarqué, j'espère? Je suis sûr que vous l'avez remarqué. Oui, Gethsémané. Alors, qu'est-ce que fait ce passage, Gethsémané? Il nous assure, Marc nous assure de l'humanité de Jésus. Alors j'espère qu'on a vraiment été réconforté par ce passage. Jésus est un homme. Il prend trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, les mêmes qui avaient assisté à la transfiguration en Marc 9. Et il s'éloigne pour prier avec Jésus. Et Jésus est un homme parce qu'il connaît la peur et l'angoisse. Verset 33. On le lit? Quelqu'un le lit? Bien haut. Marc 14, 33. Il prie avec lui, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillez. Ouais. Alors il dit qu'il éprouvait de la frayeur et des angoisses. Jésus connaît le sort qui l'attend. Lui qui est Dieu, qu'on va voir tout de suite après, hein, c'est Jésus est un homme, Jésus est Dieu. Jésus est un homme, il connaît la frayeur et l'angoisse. Ben, c'est surprenant. Moi souvent, je fais pas attention à ces petits détails que Marc donne. Ben, je remercie Dieu pour ces versets qui nous encouragent. Effectivement, Jésus connaît toutes nos faiblesses. Il les a tous éprouvées. Et comment fait-il pour avoir peur, être angoissé sans péché? Le Fils bien-aimé garde une relation forte avec Dieu son Père et il lui parle ouvertement de ses craintes et de ses angoisses. Il lui parle, il prie. Jésus est un homme parce qu'il connaît la tristesse, comme tu l'as lu Marc. Restez ici, éveillé, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit avant? Mon âme est triste jusqu'à en mourir, ou jusqu'à la mort. Jésus est un homme parce qu'il est soumis à Dieu, ensuite. Ça, c'est tout ce moment de prière. Il va faire trois fois la même prière. Ce que vous avez lu, il dit, saisi de frayeur, d'angoisse et d'une profonde tristesse, il prie et supplie Dieu que si c'était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et c'est une bonne prière. Il parle à Dieu en l'appelant papa ou père, disant, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, cette épreuve. Mais il reste entièrement soumis à la volonté de Dieu. Alors moi, ça m'a... quand je lis ça, c'est comment est-ce que Jésus peut dire des choses comme ça? Il sait qu'il est venu sur terre pour mourir, et pourtant Jésus va aussi prier et demander au Père, s'il te plaît, permets que je ne passe pas par cette épreuve. Et il termine, soumis à la volonté de son Père, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il prie de cette manière trois fois. Entre chaque prière, il retourne vers ses disciples pour les réveiller. Ils n'ont toujours rien compris à ce qui se passe. Jésus est un homme parce qu'il a un corps qui peut saigner, un corps qui peut être brisé et un corps qui peut être crucifié. Vous avez vu, hein, Marc, c'est super dense. Mais tout ça, on voit dans 14-15. Et c'est exactement pour ça que Jésus a pris, que Dieu a pris la forme d'un homme. Dans le plan de Dieu, comme il avait prévu la Pâque en Égypte pour illustrer Jésus, Jésus devait se faire homme, se faire chair, pour pouvoir saigner et être crucifié. Car il est écrit, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et Pierre, qui était le mentor de Marc, écrit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors, est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que Jésus était si triste, angoissé? C'était quoi? Quel aspect? Est-ce que c'était la trahison de Judas? Est-ce que c'était le reniement éminent de Pierre? Est-ce que c'était le fait qu'il serait abandonné par ses disciples, la souffrance aux mains de ses bourreaux, la souffrance de sa mort sur la croix, peut-être, mais c'est probablement autre chose. Ouais. Marc 15, 34, Jésus dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sa plus grande souffrance est quelque chose que le chrétien, gloire à Dieu, ne connaîtra jamais. La colère de Dieu sur nos péchés, l'expiation de nos péchés. Le Fils bien-aimé s'est chargé de mes péchés, de nos péchés, et a subi la colère du Père. 1 Pierre 3,18 dit, le Messie a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste a souffert pour des injustes, pour nous conduire à Dieu. Et c'est quelque chose que même nous, qui nous disons chrétiens, on oublie, on le prend à la légère. Est-ce que ça nous remplit de joie et de tristesse à la fois de savoir que c'est mes péchés qui ont causé la mort, la crucifixion de Jésus? Est-ce que on se rend compte de ça? Jésus, l'agneau de Pâques, s'est chargé des péchés de son peuple. Jésus avait toujours vécu en relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Et il allait être coupé de la présence de Dieu. Il allait devenir péché à notre place. Et je pense que c'est ça qui était le plus effroyable pour Jésus. Et ensuite, dernière réponse, ou aspect de la réponse, qu'on voit dans Marc 14, Jésus est Dieu. Et là, il y a plein de versets, surtout parce qu'il cite l'Ancien Testament. On l'a déjà vu, il connaît l'avenir, mais aussi, il est Dieu parce qu'il cite Zacharie, et il dit, on va frapper le berger, et vous serez dispersés. Mais si on regarde Zacharie, quand on dit, frappe le berger, c'est Dieu qui est en train de parler, qui est en train de dire, je suis ce berger. Et justement, Zacharie dit, Dieu dit dans Zacharie, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alors quand Jésus disait ça dans Marc 14, au verset 27, il dit, « Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Il est en train de dire, « Vous allez tous vous barrer, vous allez tous vous sauver, vous allez tous avoir peur pour votre vie, parce que les Écritures le disent. » Mais quand il dit ça, il est aussi en train de citer une prophétie messianique qui dit, que le Messie est Dieu. Ensuite, troisièmement, par rapport à Jésus est Dieu parce qu'il est mis à mort pour blasphème. C'est quoi son blasphème? Son blasphème, c'est de dire qu'il est Dieu. Devant le tribunal des Juifs, les autorités sont incapables. On l'a lu cette semaine, hein, dans Marc 14. Les autorités sont incapables de trouver les charges. Ils essayent tout pour accuser Jésus de quelque chose. Ils se contredisent. Déjà, c'est un procès qui est complètement faussé. Ils se réunissent tard la nuit. Ils n'ont même pas le droit de rendre un jugement. À cette heure-là, c'était comme ça qu'étaient les lois. C'est pour ça qu'ils ont ensuite envoyé Jésus devant Pilate. Ils ont besoin d'un jugement. Et ils essaient de trouver des faux témoins. Et même les faux témoins sur les charges les plus basiques se contredisent. Vous avez remarqué ça, hein? Quelques-uns se levèrent, verset 57, et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. C'est un peu frappe. Et alors, le grand prêtre demande à Jésus « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Cette même soirée, une femme, on l'a vu, avait versé tout un vase de parfum royal sur sa tête. Et Jésus répond, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Et à cela, le grand prêtre se déchire les vêtements et le déclare coupable de blasphème. Pourquoi? Parce qu'il vient de citer Daniel 7, où il dit, « Je suis le Fils de l'homme, et le Fils de l'homme obtient de Dieu le royaume, la domination et le trône, à tout jamais, pour toute l'éternité. Et toutes les nations l'adorent. » Voilà, il est en train de citer. Alors peut-être les prophéties, ça vous dérange, hein? Je ne sais pas, moi je suis d'un arrière-plan assez habitué à lire les prophéties, mais peut-être ça vous semble bizarre, obscur, mais c'est super les prophéties, parce que Jésus est annoncé partout. Et le grand prêtre a le roi, le Messie tant attendu devant lui, et lui il le rejette. Et il dit, tu es coupable de blasphème, parce que toi, un homme, tu dis être Dieu. Donc la question n'est plus qui est cet homme, on l'a vu, mais comment peut-il se dire être Dieu? C'est pour ça que les pharisiens, les prêtres, vont le mettre à mort, parce qu'il est intolérable pour eux que cet homme puisse vraiment être le Messie. Et alors, côté plus peut-être pratique, je pense que ça nous aide de venir côté pratique, et nous dans l'histoire, que devons-nous faire, penser, agir, dire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce chapitre? Et je garde 3 choses, peut-être vous en avez d'autres, hein, et puis n'hésitez pas. 3 choses. On a écrit vite, mais première chose, c'est trahir Jésus est à notre portée. Je ne sais pas si ça vous choque ça ou pas, mais Judas a trahi Jésus, c'était un des 12, et Pierre qui disait, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas, il a aussi trahi Jésus. Pierre, le fort, le téméraire, le courageux, le gars qui était toujours sur la brèche, même qu'il a dit à Jésus, je ne vais pas te trahir, est tombé aussi, s'est planté. Alors si Pierre, l'ami le plus proche de Jésus, l'a fait tomber, je ne vois aucune chance qu'on puisse dire, moi c'est sûr, je ne vais pas trahir Jésus. Et je pense aux paroles qui ont sûrement hanté Pierre, parce qu'on sait que tout de suite après, dans chapitre 14, après qu'il a renié Jésus 3 fois, il est sorti et il a pleuré. Il s'est mis à pleurer quand il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Peut-être les paroles de Jésus dans Marc 8 sont venues le hanter. Jésus dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Je ne sais pas si c'est ça qui est venu dans sa tête, mais peut-être. Est-ce que Jésus aura honte de moi? Est-ce que moi j'ai eu honte de lui, j'ai eu peur pour ma vie, j'ai pas osé affirmer que j'étais un disciple de Jésus? Mais on peut être soulagé, on peut être réconforté que même si cette semaine on s'est planté et on a eu honte de Jésus, On peut être encouragé par l'exemple de Pierre, parce que Pierre a été rétabli par Jésus. Jésus n'a pas eu honte de lui. Il est revenu le chercher. Il est devenu un pilier de l'Église à Jérusalem. Mentor de Marc, il a encouragé Marc à écrire cet évangile. Et on est encore, il a écrit des lettres de notre Bible. Alors demandons à Dieu de nous garder, d'avoir honte de lui. Et demandons-lui, cette semaine, à nous rendre brûlants pour lui. Alors deuxièmement, trahir Jésus est à notre portée. Deuxièmement, nous sommes appelés à être vigilants. On a terminé le chapitre 13 avec « Soyez vigilants ». Vous avez vu ? Restez vigilants, 13:37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants, dit Jésus. Et on retrouve ces mêmes termes qui reviennent dans le chapitre 14. Au moment où Jésus sort pour prier dans le jardin de Gethsémané, il leur dit trois choses. Verset 34, il dit « Restez éveillés ». Verset 38, il dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation ». Mais est-ce qu'on reste vigilant? On a parlé de combat ce matin dans les champs. Avons-nous toujours un esprit en alerte? Vivons-nous la vie chrétienne, comme l'indique la Bible, une course, un combat, quelque chose de dur, de difficile, où on se met complètement dedans? Ou est-ce qu'on vit comme l'encourage le monde? Une option, une assurance, une sécurité. Évaluons-nous, c'est simple. En temps de guerre, l'armée avec la meilleure communication a les meilleures chances de gagner. Quand Jésus dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation », est-ce qu'on prie pour ne pas céder à la tentation? Est-ce que c'est quelque chose qui en nous, au quotidien, on ne veut pas lâcher, on veut tenir ferme avec Jésus? Est-ce qu'on lui demande de nous aider à vaincre, à établir des ponts avec nos amis qui ne connaissent pas Jésus, qui foncent, tête baissée, droit dans le mur? Et ensuite, il dit, au verset 38, « L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Et Pierre est un excellent exemple de ça. Combien, moi aussi, je suis un excellent, mauvais exemple de ça. Mon esprit est bien disposé. Je veux faire ce que Dieu désire. Je veux lui faire plaisir parce que je l'aime. Mais ma nature me domine et j'échoue. Solution, prier et rester rempli du Saint-Esprit, tout comme Jésus le faisait. Et ensuite, troisième point. Donc, premièrement, trahir Jésus à la portée de tous. Deuxièmement, restons vigilants. Troisièmement, nous sommes appelés à adorer Jésus. De vivre pour Jésus, même si tout le monde autour de nous voit ça comme du gaspillage, comme de la perte. Les disciples ont vu ce parfum cher versé sur Jésus et ils furent scandalisés. Je ne sais pas, vous avez remarqué. Moi, ça m'arriverait aussi. Je dirais, non, mais regardez les pauvres. Ils étaient scandalisés que cette femme dépense un an de salaire pour verser sur la tête de Jésus. Et Jésus n'avait pas de problème avec ça. Vivre pour Jésus, paraît aux yeux du monde, comme de la folie. Mais il ne faut surtout pas se conformer à ce que nous dit le monde. On vient de lire que cette génération est adultère et pécheresse. Comment est-ce qu'elle peut savoir ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est sage et intelligent? Le monde est perdu. Et Paul nous avertit que l'évangile est folie aux oreilles du monde. Il dit, 1 Corinthiens 1, 23, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. » Alors là, j'ai fait une liste, j'ai parcouru Marc, des choses qui sont absolument dingues ou folles aux yeux du monde. Est-ce censé de dépenser un an de salaire en un seul geste, Marc 14, 4. Est-ce censé d'être détesté de tous à cause de Jésus? Marc 13, 13. Est-ce censé de mettre dans le tronc du temple tout son argent, tout ce qu'on a pour vivre? Marc 12, 44. Est-ce censé de vendre tout ce qu'on possède et de se mettre à suivre un prêcheur itinérant? Est-ce censé de tout quitter, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants et ses terres? Marc 10, 29. Est-ce censé de couper sa main, son pied et d'arracher ses yeux s'il nous pousse à mal agir? Marc 9, 43. Est-ce censé de porter un vêtement en poil de chameau, se nourrir de sauterelles et de vivre dans le désert? Marc 1, 6. Est-ce censé de dénoncer le péché d'un roi quand on risque sa tête? Marc 6, 16. Est-ce censé d'échanger sa liberté et de se charger d'une croix? Marc 8, 34. Est-ce sensé de laisser tomber un bon boulot, une entreprise qui marche bien pour suivre le premier venu? Marc 1, 18 à 20. Le monde regarde ça et ils vont dire c'est folie. Est-ce qu'on... Le monde regarde l'église de Phénie et ils disent folie? Ou est-ce qu'ils disent ils sont comme nous? L'adorer, c'est aussi lui donner toute notre vie et faire de lui notre trésor le plus précieux. Jésus savait que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Si Jésus est notre trésor, alors nous sommes de vrais disciples. Et c'est pourquoi il ajoute au jeune homme riche, « Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Et troisièmement, dans l'adoration, après avoir donné, dans l'adoration, on peut être reconnaissant et annoncer la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne, en prenant ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Cène, qui était à Pâques. Après avoir donné le pain et le vin, il dit quelque chose de formidable. Il dit, « Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne. » C'est au chapitre 14. Hein? C'est au chapitre 14, 25. « Je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » C'est une promesse de son retour. Alors moi, je ne sais pas si c'est constamment chez nous. Moi, ce n'est pas. J'oublie régulièrement que Jésus revient bientôt. Régulièrement, je mets mon espérance, ma joie dans d'autres choses que Jésus. Mais on va étudier 1 Pierre bientôt. Partout, il est question de l'espérance qui est à venir. On attend Jésus avec joie, on attend ce jour, alors qu'en ce moment, on passe par des épreuves, c'est difficile. C'est une promesse de son retour, il va revenir dans sa gloire, comme il nous le décrit dans Marc 13, comme il nous le décrit dans Daniel 7. La prochaine fois qu'on voit Jésus, gardons ça à cœur, la prochaine fois qu'on voit Jésus, ça sera le jour le plus heureux de notre vie, de voir Jésus. J'espère que nous, ça nous remplit quelque chose. Et si notre cœur est endurci, demandons à Dieu de nous donner vraiment cette joie de savoir que la prochaine fois qu'on voit Jésus, ça sera le jour le plus glorieux, le plus beau, magnifique de notre vie. En conclusion, avec Marc 14, il ne doit plus avoir de doute pour nous. Les disciples n'ont pas compris. Les femmes n'ont pas compris. Mais pour nous, qui avons lu depuis 10 dimanches Marc, on doit savoir que Marc 1:1 est vrai. Jésus est le Fils de Dieu. On doit savoir que Marc 8:29 est vrai. Jésus est le Messie, celui tant attendu, loin, la personne loin de Dieu. Et dans Marc 14 et 15, Jésus est le roi qui demande notre soumission totale à son règne. Il n'est pas simplement sauveur, il est roi. Le choix est à nous. Nous avons vu le vrai Jésus. Allons-nous l'adorer, le servir et trouver en lui toute notre joie. Je le souhaite pour nous encore cette semaine, pour toute notre vie, et si on ne l'a pas encore fait, ben oui, pour toute notre vie. Je le souhaite pour notre bien et pour le bien et le salut de notre pays. Qui a désespérément besoin de Jésus. On va prier. On va prendre ensuite la Sainte Cène ensemble. Père, tu vois combien il y avait de choses à voir dans Marc 14 et j'espère qu'on a vu des choses importantes. Et rends-nous, s'il te plaît, reconnaissants et heureux et donne-nous une joie dans notre cœur de te connaître. Que tu as envoyé ton fils Jésus mourir à notre place. L'agneau parfait. Seigneur, merci pour ton amour. On ne méritait rien, je ne méritais rien, sauf d'affronter ta colère pour mon péché. Je suis pardonné. Seigneur, tu vois chacun de nous, tu vois où on en est avec toi dans notre marche. Donne-nous envie, Seigneur, de vivre pleinement pour toi, d'être entièrement consacré à toi pour ta gloire et notre joie en toi, Seigneur. Et permets-nous de ne pas avoir honte de toi dans un monde qui nous voit, en tout cas qui voit tes disciples et qui voit ton Fils comme de la folie. Seigneur, permets-nous d'être courageux. De ne pas avoir honte de ton fils. Et Père, je te demande aussi de nous garder vigilants. Qu'on ne tombe pas dans la tentation, mais au contraire, qu'on déteste le péché, Seigneur, et qu'on aime ta sainteté. Je te remercie qu'on peut te parler comme ça, que comme on va voir bientôt, depuis la mort de ton Fils, on peut parler directement avec toi. Ton Fils a ouvert la voie vers toi, Seigneur. Merci pour ça. Et remplis-nous de joie. Je te demande ça au nom de Jésus.